pas tout bas. Tu te devrais en voir. Toi déjà tu l'as. Je vais torturer jusqu'à plus soir. Je vais torturer jusqu'à plus soir. Je vais torturer jusqu'à plus mal. Tu l'as mal. Pas besoin de discuter. Cette personne est bien lubrifiée. Monsieur les présentations. Est-ce que je m'en sens confiant? M'en sens confiant.